Ok. Ok. J'étais prêt à tout donner. Tout donner. De mon temps, de ma monnaie, de juste ma monnaie. Pour un bout de paix. Yeah. J'étais prêt à tout donner, de mon temps, de ma monnaie. La compréhension veut m'abonner pendant que les rages me rionnaient. J'étais OP, ok, je rappais en paix, en gros. Dans le rap, je trempais pendant que les autres partaient en guerre. Entre parenthèses, creuser le fossé, parents-élèves. Malgré les mises en garde, les mises en quarantaine, les plus faibles partent, je t'ai enchaîné. Par centaines, où ils s'entraînent, où ils s'engrènent, plus rien à sauver. Au parloir des parents peinés, eux emportés par la haine. Sexe, violence, rap et flouze, le clip parle d'eux-mêmes. Remplissent l'écran dans tes cris. De démons, vampirisme de moutons, industrie créatrice de clones et de doublons, corps de chétane aux yeux poupons, à la recherche de pifs et de bouffons, de soldats de troufions fanatiques, poussés par un beat qui fatalement finira par un hit, putain. Leur mentalité pue comme une bouche de purin, c'est vrai, les requins ne dorment jamais, toujours en mouvement, claquer un bouti en place les morts. Perso, ça me fait pas trop kiffer, à part un public docile et feignant, je n'attends plus les opportunités, depuis que les coups de pote me donnent de l'élan. Si j'avais du temps, de l'argent, j'irais niquer les puissants jusqu'à épuisement. Y'aurait plus tous ensemble sur les banderoles, le slogan tous ensemble. Le sionisme, je l'emmerde, fait rappeler l'esclavage et sa quenelle de 400 ans. Je compte garder le cap, même si ça doit se faire sans vent, même si ça doit être sanglant. Ça fait long time qu'ils agissent sans gants, qu'ils disent faire la guerre car ils connaissent la paix. Bande de putes, pandorateurs, joueurs de flûte, marionnettistes friqués à la vision étriquée, malgré le panorama de leur but. Fondation de franc-maçon, Illuminati, à l'intention de grands moutons qui ruminétisent, mais ne font qu'en parler, forcément très peu d'action, rien que ça blablade pendant qu'ils font la chasse aux sorciers. Demande à monsieur Mbala, Mbala, pas besoin d'être médium pour entendre ce qui se raconte dans les médias. Tu veux défendre ta cause, mais ton problème n'est pas là. J'aime pas la valse et les longues balades, je prends du poids depuis que j'ai arrêté toutes leurs salades. Autour de moi, ça me rend des malades. Arrêtez de rigoler jaune si vous aimez pas notre humour noir, qu'on applaudit plus à vos heures de gloire. Allez mater à Mistad et compatissez à nos pires moments d'histoire. Franchement, j'emmerde les comparaisons, les discussions fondées sur qui a tort ou qui a raison. Qu'on accepte la libre expression, viens voir pour en parler. Ceux qui me connaissent savent trouver la porte de ma maison. J'suis pas méchant, mais j'peux le devenir si tu tournes ça en dérision. Enfin, si tu captes d'après ce morceau à quoi je veux faire allusion, alors vas-y, viens, qu'on en parle autour d'un thé, d'un café, un petit punch ou un verre de vin. Allez, vas-y, viens, qu'on en parle calmement. Calmement. J'étais prêt à tout donner, de mon temps, de ma monnaie, de ma monnaie. Juste pour un bout de paix. Antipantin.